Surmonter la peur pour suivre une vibration. Enregistrement produit pour le mois de juin de l'année 2022. Donc, surmonter la peur pour être capable d'aller dans le sens de la mise en vibration qu'on peut connaître, c'est fondamental. Mais c'est pas évident à faire. Et c'est sûr que c'est un défi pour plein de personnes. Parce que d'être en contact avec l'esprit, connaître des mises en vibration, c'est une chose, mais d'agir en conséquence, c'en est une autre. Parce que ça peut nous amener dans des situations qui peuvent, nous exposer à connaître de la peur, de l'insécurité psychologique. Donc, faire des mouvements qui vont pas nécessairement dans le sens de nos croyances, de nos préjugés, de notre désir d'être en contrôle, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Dans mon cas, je peux parler un petit peu de mon expérience, parce que l'une des fonctions de mes enregistrements, c'est de faire de l'autothérapie en relation avec certains principes de la conscience que j'ai intégrés. L'un des principes, naturellement, que j'ai intégré, puis ça peut être le cas pour plusieurs personnes qui écoutent l'enregistrement, c'est d'être capable d'aller au-delà de la peur pour suivre la vibration, ce qui n'est pas évident. Ça fait des années que j'œuvre dans l'optique d'intégrer davantage ce principe-là. Mais je vous dirais qu'en tant qu'ego, il m'arrive encore d'avoir des résistances. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'explorer vibratoirement puis de faire l'étude du rapport à l'événement dans l'optique de l'intégration du principe. Puis ça peut se faire à plusieurs niveaux. Parce que derrière cette question-là, de surmonter la peur pour agir en fonction de vibration, c'est la primauté qu'on donne à la conscience versus à l'astral dans notre vie là, qui est sous-entendu. Parce que derrière la peur, il y a l'astral, puis derrière l'esprit, il y a la mise en vibration. Donc, est-ce que l'être humain est affilié psychiquement à l'esprit ou à l'astral, ou il fait le yo-yo? C'est un petit peu un mélange entre les deux, pour ce qui est le cas d'être transitif. Et puis, dans mon cas, je vous dirais que j'ai eu à surmonter certaines peurs dans les derniers mois. J'ai été de l'avant avec le projet d'avoir un enfant là, avec ma compagne que j'avais mis sur la glace, en fait, depuis plusieurs années. Il y avait été question qu'on voulait avoir des enfants et puis on n'allait pas de l'avant avec le projet. En fait, c'était moi qui avais peur. Peur de la société dans laquelle on allait mettre au monde les enfants, peur de la situation qui pourrait se dégrader au niveau social. Bien entendu, j'ai écouté plusieurs enregistrements là, de personnes qui parlent qu'on est en fin de cycle, un peu comme la fin de la civilisation de l'Atlantide, c'est-à-dire une situation dans laquelle on va assister à la fin d'une période avec une certaine aisance financière et ainsi de suite pour connaître une forme de déclin. Donc, tout ça m'a amené à avoir certaines peurs. Quand on était de l'avant avec le projet, en fait, c'était au mois de janvier, alors qu'on était en pleine crise associée au virus, donc en janvier 2022, ici au Québec. Si je pense d'ailleurs, la fête du jour de l'an, donc le gouvernement a demandé aux gens de ne pas se rassembler pour fêter le jour de l'an, d'éviter les rassemblements. Ensuite, il y avait toutes sortes de mesures de contrôle qui restreignaient les droits et libertés depuis 2 ans avec la mise en place, entre autres, du passeport lié à l'éjection. Et puis, n'étant pas injecté, j'avais pas le droit d'aller dans différents lieux. Et puis, ça, c'était la situation dans laquelle, en dépit de la situation adverse au niveau social, eh bien, on a décidé d'aller de l'avant avec le projet d'avoir des enfants et puis tomber enceinte au mois de mars. Quelques mois se sont écoulés, il y a au moins 3 mois qu'elle a fait. Elle a fait une première échographie et l'enfant est viable. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, c'est ça, j'ai été de l'avant avec elle avec le projet. C'est sûr que, elle n'a pas encore accouché. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais le point par rapport à ma situation, c'est que depuis des années, en fait, j'ai été mis en vibration pour avoir des enfants avec elle. Mais il y avait tout le temps une raison. J'ai un côté perfectionniste et ça m'amenait à retarder le projet en disant « Ah, ben là, et la situation n'est pas parfaite au niveau individuel. Ensuite, il y avait toujours des éléments qui m'amenaient à remettre à plus tard, à faire preuve de procrastination. Pourquoi? Ben parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas être un bon parent. J'avais peur par la suite de ne pas être assez mature. J'avais peur que la situation sociale se dégrade et que l'enfant en écope. J'avais peur de ci, j'avais peur de ça. Et la peur était un frein au passage à l'action. Et puis, ce qui est arrivé au mois de janvier, alors que ça fait des années là, que j'étais dans la peur. D'ailleurs, j'avais fait un enregistrement là, vers l'année 2012 en compagnie de Daniel Ménard, où j'abordais la question par rapport à la période présente qui est décrite par plusieurs comme étant une période de fin de cycle. J'avais posé la question à savoir est-ce que c'était une période qui est propice là, pour avoir des enfants. En tout cas, j'avais une discussion qui allait dans ce sens-là. Là, c'est sûr que ça date de plusieurs années. Là, je ne me rappelle pas tous les détails. Mais dans le fond, lui ce qu'il me disait, ben, c'est sûr que si tu as la vibration, va de l'avant. Là, c'est comme ça revenait à dire ben, là, laisse pas la peur t'empêcher parce que sans ça, tu donnes préséance à l'astral sur ta conscience. Ben oui, c'est sûr que c'est ça qui est le principe derrière, mais de l'actualiser, c'est pas évident. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de janvier, j'étais un petit peu, puis ma compagne aussi, au pied du mur, dans le sens que les années passent. Quand on a fin de la vingtaine, début trentaine, bon, on a encore des années qu'on peut être fertile. Là, on était rendu à 40 ans, sur le bord d'avoir 41 ans. Là, c'est sûr que il était un petit peu... minuit moins 5 dans l'optique d'actualiser le projet d'avoir des enfants, parce que c'est sûr qu'à mesure qu'on avance en âge, le risque qu'il y ait des problèmes liés à la grossesse augmente, ainsi de suite, là. Donc, ça peut être plus problématique, mais on a la vibration d'aller de l'avant avec le projet. Et puis, j'ai vécu de l'hésitation. Moi, je suis Verseau ascendant balance, puis mon côté balance, il y a un côté ambivalent. Donc, ça fait des années que je vis une forme d'ambivalence. Pour être transparent avec vous, bien, c'est sûr que je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau social, au niveau économique, au niveau problème de pollution, qu'on connaît la Terre qui sont quand même importants, avec plein de produits chimiques toxiques qui sont relâchés dans l'environnement, ainsi de suite. Donc, j'avais plein de craintes. Il y avait le fait aussi que ma compagne avait été injectée 2 doses. Donc, par rapport à la substance pour faire face au virus qui a défrayé la manchette abondamment là, en 2020. Donc, c'est sûr que c'était de voir l'impact que ça va avoir aussi sur l'enfant à naître ainsi de suite, là. Donc, ça m'a dit intérieurement d'aller en dépit de tout ça. La situation est très tendue. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus détendu au Québec au mois de juin 2022 parce que le port du masque n'est plus obligatoire. Les gens n'ont plus besoin de faire preuve de distanciation sociale. Il n'y a plus de passeport. Mais je suis quand même lucide à savoir que ces mesures-là peuvent facilement revenir s'il est question là, d'une autre vague là, associée au virus ou à un autre virus là, pour l'automne et ainsi de suite. Donc, et c'est sûr que c'est la tangente d'intégration rapide de technologies de contrôle qu'on connaît depuis les derniers mois, notamment là, en lien avec l'intégration du passeport qui peut être une opportunité pour la mise en place de l'identité numérique, voire du crédit social comme les gens connaissent en Chine, qui ne me plaît pas du tout en tant qu'ego, parce que là, on entre dans une ère, comme l'avait déclaré Jacques Attali, où il va y avoir une traçabilité totale des individus et des objets. Donc, on va savoir en temps réel, avec entre autres les objets connectés via le réseau Internet, comme par exemple des véhicules automobiles, ou des objets qui sont munis d'une puce. Prenons par exemple un camion, ou ben, y a d'autres objets, là, comme un téléphone cellulaire, là, naturellement, ou des individus avec l'identité numérique, de la surveillance généralisée avec les caméras qui sont de plus en plus présentes en société. Où est-ce que sont les personnes, puis qu'est-ce qu'ils font? On se dirige vers ça. Fait que c'est sûr que dans un contexte pareil, de mettre au monde un enfant me plaisait pas nécessairement. Mais j'ai été mis de l'avant pour. C'est ça, j'ai été de l'avant avec le projet en dépit de la situation sociale qui était très tendue au niveau de la gestion de la crise. Là, présentement, la tension est plus au niveau économique avec l'inflation qui est très importante là, dans les pays occidentaux, qui amène une dégradation du pouvoir d'achat des citoyens. Donc, en dépit de tout ça, le point que je veux faire, c'est que j'ai suivi la vibration d'avoir des enfants, mais dans mon cas, je l'ai retardé beaucoup, dans le sens que c'est sûr que j'aurais pu avoir des enfants avec elle là, dans la trentaine. Là, on était comme au pied du mur, dans le sens que c'est sûr qu'au début de la quarantaine, si on n'a pas d'enfants, on les aura pas probablement pas à 60 ans. Là, à un moment donné, la capacité de fertilité a des limites. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, c'est de composer avec l'incertitude. Et l'incertitude du contexte social dans lequel on se trouve. Puis de l'incertitude aussi par rapport à la viabilité de l'enfant, étant donné qu'elle l'a eu à un âge avancé, ben qu'elle l'a eu. Elle n'a pas encore accouché, là, étant donné qu'elle est enceinte à un âge avancé, là, je veux dire, elle est rendue à 41 ans comme moi présentement. Donc, mais pour l'instant, tout va bien. Mais pourquoi que je vous parle de ce sujet-là? C'est parce que suivre une vibration, c'est pas évident. Puis ce qui s'est passé, je vais essayer de le décrire, mais c'est pas nécessairement facile pour moi par rapport à la nature de la mise en vibration que j'ai connue au mois de janvier. Je vais essayer d'être. C'est difficile de mettre des mots sur certaines choses. Ben, en fait, je sais pas si c'est difficile que ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'impulsion que c'était comme. C'était comme le moment de passer à l'action. Puis j'étais comme ému aussi, j'avais comme les larmes aux yeux que c'était comme si dans mon plan de vie était prévu que, c'est ça, j'ai des enfants avec elle. Puis c'est comme si je passais à quelque chose d'important dans ma vie si je n'allais pas de l'avant avec ça. Donc c'est comme si c'était une ligne directrice par rapport à mon incarnation, mon plan de vie. Que c'était supporté vibratoirement par l'esprit. Donc, puis là, j'avais comme les larmes aux yeux quand tu sais, j'ai décidé consciemment avec elle. Donc, l'idée, c'est d'avoir un enfant consciemment, là, les deux, là. C'était mon intention. Puis j'ai des intentions de conscience très précises par rapport à l'enfant, dans le sens qu'en tant qu'individu, je veux que l'enfant soit en santé, je veux que l'enfant soit heureux. Puis, je veux que les forces en ayant une conscience de l'occulte, mettre en place des concours de circonstances et d'événements qui va faire en sorte qu'il va connaître une situation qui est propice à son épanouissement personnel. Donc, autrement dit, je pars du principe que d'avoir un enfant nous lie psychiquement à une âme qui va s'incarner à travers le corps, en fait, le fœtus que porte ma compagne. Et qu'il y a un phénomène de résonance vibratoire, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel enfant qui naît avec n'importe quel parent, dans le sens qu'il y a une sélection mutuelle qui implique les esprits qui se rapportent aux différentes âmes, en fonction de mandat, en fonction de l'actualisation d'une fonction sur le plan physique. Donc, autrement dit, moi j'ai un taux vibratoire, ma compagne aussi. Et l'enfant qui va naître va être en relation avec le taux vibratoire des deux parents. Il y a un phénomène d'attraction énergétique, c'est-à-dire que les gens sur la même longueur d'onde vont s'attirer ou vont avoir une facilité d'entrer en contact, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme pour les amis qu'on a sur la Terre. Habituellement, il y a un adage qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent au niveau du couple, mais au niveau de l'amitié, c'est le même principe. Donc, habituellement, les gens sur la même longueur d'onde, par exemple, quelqu'un qui a du plaisir à écouter de la musique heavy metal, bon, ben, il va aimer à discuter de musique heavy metal avec une autre personne, ou quelqu'un qui aime écouter le hockey avec une autre personne. Il y a un phénomène de résonance en fonction des intérêts, en fonction des taux vibratoires. Quelqu'un qui vibre beaucoup à l'astral, il va être attiré avec des gens qui vibrent à l'astral. Puis quelqu'un qui vibre au niveau du plan éthérique aussi. Donc, puis, moi, la façon que je vois ça, c'est que l'âme qui va venir à travers nous deux, au niveau de son esprit, cette âme-là qui se rattache à la conscience qui va prendre forme à travers le... qui est en train de prendre forme à travers le fœtus... Là, c'est sûr que l'âme peut faire des allers-retours là, par rapport au fœtus qui est en formation dans le ventre de ma compagne. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que, à quelque part, c'est-à-dire que je pars du principe que toute la vie est en relation avec des programmations astrales ou mentales. Donc, au niveau vibratoire. C'est sûr qu'en tant qu'ego, moi, je peux vouloir certaines choses. Ma compagne aussi, par rapport au bébé, elle peut vouloir aussi certaines choses. Et c'est sûr que... Puis, on peut avoir une mise en vibration de l'esprit qui a une compréhension plus vaste de mon ego, de l'ego de la compagne, de qu'est-ce qui est souhaitable pour l'enfant. Puis, il y a la conscience du propre esprit de l'enfant à naître, qui a son agenda aussi. C'est-à-dire que si un enfant naît sur le plan physique... Il y a des raisons par rapport à ça, à explorer. C'est sûr qu'en tant qu'ego, moi, je souhaite avoir une vie avec l'enfant s'il naît. Tu sais, il faut toujours être conditionnel, je rien prendre pour acquis. Entre autres, si le fait qu'il est injecté en lien avec une substance par rapport à un virus, par rapport à une substance expérimentale, va avoir un impact sur la naissance du bébé. On verra bien, sur son développement, et ainsi de suite. C'est sûr que je pourrais en faire un enregistrement un peu plus tard là, pour parler là, par rapport à ça. Mais je fais des observations en lien avec la crise sanitaire. Comme par exemple, j'ai une grand-mère âgée de 98 ans qui a attrapé le virus dont il est question dans les médias de basse depuis le début de l'année 2020. Et puis, elle n'était pas injectée. Puis, elle a passé au travers. Elle est toujours vivante. D'ailleurs, j'ai eu récemment avec elle une conversation téléphonique. Donc, c'est sûr que dans son cas, elle est atteinte du cancer du poumon. Mais c'est un développement qui est lent. Probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle, dans le fond, son mari... auquel elle a été exposée, fumait la cigarette. Il y a quelques décennies, de fumer la cigarette, c'était en vogue, c'était à la mode. Et puis, comme elle vivait avec lui, puis elle était exposée à lui qui fumait la cigarette, c'est peut-être l'incidence de l'exposition à de la fumée secondaire qui l'a amené à développer un cancer du poumon, un peu comme des serveuses de restaurant. Autrefois, je regarde ça avec le recul et je trouve ça absolument abominable. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui ne fumaient pas elles-mêmes, mais comme elles étaient exposées aux fumées secondaires des clients de restaurants, de bars, alors qu'il était permis de fumer dans ces lieux publics, eh bien, ces personnes-là ont développé des problèmes de santé. Dans certains cas, il y en a qui ont été atteints de cancer du poumon. Donc, c'est extrêmement déplorable et les gens avaient de la difficulté à mettre leurs limites aussi. Les gens cherchaient à plaire aux clients. Donc, tout ça est un contexte propice à ce que les gens subissent physiquement des inconvénients de l'exposition à la fumée. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de ça. Aujourd'hui, quand on parle entre autres du fait que dans le temps de Bernard de Montréal, qui donnait des conférences en lien avec la conscience supramentale des années 80, que les gens pouvaient fumer dans les salles de conférences, et lui-même fumait d'ailleurs la cigarette, il y a des gens qui peuvent entendre parler de ça et dire c'est une aberration. Des gens qui se réunissaient pour entendre parler de conscience, puis même le conférencier qui en parlait, qui fume la cigarette, c'est sûr que quand il y a des gens qui peuvent regarder ça d'une perspective moraliste et dire, ben là, c'est une aberration, mais c'était une autre époque, et autre époque, autre mœur. Mais là, c'est sûr que ma grand-mère avait des problèmes pulmonaires, donc elle a eu à avoir de l'oxygène qui lui est cheminé là, à partir de tuyaux au nez. Là, donc, en lien avec lorsqu'elle a eu à attraper le virus, elle a eu des difficultés respiratoires importantes, qui a fait qu'elle a été branchée à une bouteille d'oxygène temporairement. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas, étant donné que sa capacité momentanée sur le plan pulmonaire était dégradée. Là. Donc, au lieu que ses poumons fonctionnent à 100%, je pense que c'était 90% ou 93%, mais en tout cas, c'était quand même proche du 100, là, mais c'était pas optimal. Et pour compenser ça, bien, elle était branchée sur une bonbonne là, oxygène, là, mais c'était temporaire. Donc, elle a passé à travers le virus et je fais des observations. D'ailleurs, j'ai parlé récemment avec des gens de mon entourage qui ont eu le virus. Et puis, depuis qu'on entend parler de ce virus-là au début de l'année 2020, moi, je suis à l'affût de qu'est-ce qui est dit dans les médias. Ben, qu'est-ce qui est dit dans les médias? Je les ai écoutés, là, c'est sûr, au fil des mois. Qu'est-ce qui est dit dans les médias alternatifs? Qu'est-ce que les gens qui l'ont attrapé me rapportent aussi? Donc, en lien avec toutes ces informations-là, ça me permet d'avoir une perspective au niveau expérimental, surtout des témoignages de personnes, puis aussi mon intuition. Donc, la vibration que je peux capter là, par rapport à la nature de la menace. C'est sûr que la mise en vibration que j'ai eue par rapport au projet justement d'avoir des enfants, c'était de passer de l'action en dépit de la situation sociale qui était tendue au mois de janvier. Et donc, tout ça me ramène au principe que sur la vibration, c'est un mouvement individuel, puis en dépit de qu'est-ce qui se passe sur le plan collectif. Et c'est sûr que, dans le fond, moi, en tant qu'ego, je regarde mon mouvement. Et c'est sûr que l'une des peurs, ben, c'est de souffrir en lien avec l'enfant qui va naître ou que l'enfant souffre. Des mesures extrêmement restrictives qu'on a connues dans les deux dernières années en lien avec la gestion de crise, qui est un retour de ces mesures-là. Mais en même temps, je me dis que si l'esprit amène une âme à s'incarner à travers ma compagne, ben, l'esprit qui a accès au savoir, à l'intelligence, d'être conscient, c'est dans quel contexte on se trouve. Au niveau planétaire. Donc, c'est sûr que l'une de mes intentions de conscience en lien avec la naissance de l'enfant, c'est que, dans le fond, puis des fois je parle intérieurement à mon esprit, c'est qu'il s'organise pour que l'enfant soit ajusté aux situations du contexte dans lequel il va prendre forme, pour qu'il puisse composer intelligemment avec la situation adverse collective dans laquelle on peut se trouver. Puis je demande aussi que l'enfant soit ajusté à ma vibration puis à la vibration de ma compagne pour avoir des rapports harmonieux, être dans la bonne entente, être dans le bonheur. Donc, c'est sûr que je peux vouloir certaines choses en tant qu'ego. Je peux avoir aussi une parole qui peut mettre en vibration l'éther par rapport à des besoins aussi, en lien avec la naissance de l'enfant. Donc, autrement dit, l'un des éléments que je demande, ben, que l'esprit s'organise pour que l'enfant ait un niveau de vie décent. Donc, il y a une partie de la responsabilité occulte derrière les événements, les synchronicités qui font en sorte que, par exemple, à un moment donné, on peut avoir des opportunités financières qu'on n'a pas. On peut avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui obtient un héritage alors un montant important alors que ce n'était pas prévu, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est sûr que aussi, quand que je regarde ce que j'ai vécu en lien avec ma compagne, c'est que, dans le fond, à trop vouloir l'idéal, on en repousse plus tard. Tu sais, le côté procrastination. Qui peut nous amener à... Puis il y a des gens qui passent pas de leur action de leur vivant. Ils ont tellement peur que le contexte nuise à l'enfant, que que l'enfant soit malade, et ainsi de suite, que finalement, il ne passe pas à l'action pour un projet aussi important qu'avoir un enfant ou autre. Pourquoi que je parle du projet d'avoir un enfant comme étant important? Parce que pour moi, la décision d'avoir un enfant, c'est la décision, à mon avis, la plus impliquante que peut prendre un être humain de son vivant. Je parle de décision, mais en même temps, c'est sûr que je pourrais épiloguer ce sujet dans le sens que la décision, ultimement, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, puis on est mis en vibration pour agir en fonction de certaines pensées, ben, l'initiation du projet vient à l'être humain à travers le phénomène de la pensée. Mais la personne a à suivre ou non la vibration, ou elle est dans le sens d'une vibration adverse, advenant le cas. C'est-à-dire astral qui va mettre un frein, une résistance au projet. Donc, sous l'influence astrale, j'étais astralisé, je n'allais pas du sens du projet. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça m'a peut-être retardé pendant un certain nombre d'années, mais la façon que je voyais ça, c'est que j'avais comme un certain délai. Tu sais, on peut procrastiner pendant une certaine période de temps, mais à un moment donné, on est au pied du mur à savoir on passe ou non à l'action. Dans le sens que la personne peut dire « Ah, je sais pas si je vais pas en voyage », mais à un moment donné, quand on est la veille du moment de partir en voyage, ou le matin même, où on est censé de la journée que là, il faut donner une décision qu'on accompagne des gens pour partir en voyage, à un moment donné, on n'a pas le choix. On peut remettre à plus tard pendant un certain temps, mais c'est pas infini parce qu'il peut y avoir une date butoir, un petit peu comme pour le paiement. De la carte de crédit. À un moment donné, on peut dire « Ah, je paye-tu ma carte de... je rembourse-tu la carte de crédit aujourd'hui, demain? » Non, mais à un moment donné, si c'est le 30 du mois, ben on n'a pas le choix. Soit on paye ou on paye pas. Mais il y a comme une date limite. Puis si on paye pas, ben il y a des intérêts à payer qui sont là si on n'est pas capable de rembourser le montant total là, de l'emprunt qui est fait là, sur la carte de crédit. Donc, il y a des conséquences par rapport à ça. Et c'est sûr que par rapport à toute action qu'on fait ou qu'on ne fait pas, il y a des conséquences, dans le sens que si j'avais pas été de l'avant avec le projet, probablement que j'aurais resté avec le désir d'avoir des enfants, puis la peur qui m'habite. Et c'est sûr que d'avoir été de l'avant avec le projet me confronte par rapport à ma peur. Par contre, c'est sûr que ça m'expose à de la... C'est sûr que dans mon cas, j'ai régulièrement à faire face à des craintes qui vont émerger dans ma psyché en étant exposé au bulletin de nouvelles où il y a question de l'inflation qui augmente, le coût de l'alimentation, parce que ça, il va falloir que je l'alimente, le bébé. Ensuite, le coût de l'habitation, du logement, qui est en augmentation un peu partout au Québec. Ensuite, le coût de l'essence pour l'automobile, et ainsi de suite. Donc, quand je suis exposé à ça, je regarde ça et je me dis « Ouais, puis la possibilité de polypandémie, c'est-à-dire de pandémie par rapport à plusieurs virus simultanément. Donc, il peut y avoir... c'est sûr qu'il y a des gens qui amènent ça de l'avant. Il y a plein de menaces. Les menaces liées à la pollution, atmosphérique ou autre. Les menaces liées au changement climatique. Les menaces aussi liées à la fin d'une civilisation qui a une prospérité relative par rapport à l'accès facile au carburant, à l'énergie. Et là, avec les années, ça deviendra de plus en plus complexe où il va falloir aller creuser de plus en plus loin sous la terre ou sous les mers pour avoir accès à du pétrole. Donc, l'énergie abondante à bon marché, selon certains penseurs que je voyais sur Internet, c'est fini. À moins qu'il y ait l'apparition ou le développement de nouveaux procédés technologiques. Peut-être qu'à un moment donné, il sera question de l'énergie libre et que les gens en auront accès, mais ça, c'est un autre dossier. Mais bref, par rapport à toutes ces pensées-là, je suis obligé tout le temps de contester ou de les tasser pour retrouver la paix du mental. Et c'est sûr que, dans le fond... De vivre l'expérience m'a permis de confronter la peur. Bon, j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que j'attendais au moins que 3 mois de la grossesse de ma compagne soit faite pour que le bébé soit considéré comme étant viable, là, qu'elle ait des bonnes chances d'accoucher. Là, j'en parle. Puis, c'est sûr que c'est intéressant d'explorer. Puis là, je suis dans des jeux de réflexion à savoir est-ce que l'enfant va nous acheminer psychiquement, l'enfant, c'est-à-dire l'esprit relatif à l'enfant qui va naître, va nous acheminer psychiquement le nom qu'il a à avoir. Donc, est-ce qu'on va être mis en vibration à un moment donné, puis il y a le nom qui va apparaître dans notre mental ou en rêve par rapport à l'enfant. C'est sûr qu'on a des discussions par rapport au nom de l'enfant à naître. Donc, on peut passer du temps là-dessus, tu sais, on peut s'amuser, tu sais, c'est un petit peu comme un jeu, ça change les idées. Ah, j'ai toute la vibration que ce soit tel nom ou tel nom. Ensuite, c'est sûr que l'enfant qui va naître, ma curiosité, c'est de voir sa programmation. Ça, c'est en tant qu'ego, mais au niveau de l'esprit, au niveau de la gestion du rapport à un enfant à naître par rapport à l'esprit, c'est très simple. C'est de suivre la vibration puis de pas réfléchir. Mais c'est très facile de réfléchir en lien avec le contexte dans lequel on peut se projeter dans quelques mois. Ça va ressembler à la société c'est quoi va être sa vie, et ainsi de suite. Puis, dans le fond, par rapport à tout ça, sur la vibration, surmonter la peur, c'est d'être capable de s'engager dans certains cas dans des mouvements à contresens par rapport à une tangente sociale. Si on voit que la société entre dans des crises de plus en plus importantes à plusieurs niveaux, puis on a la vibration d'aller de l'avant avec un projet, bien, c'est de le faire pareil. Mais c'est sûr que l'affaire vibratoire, c'est pas évident à aborder parce que il y a des gens qui vont avoir des enfants parce qu'ils ont peur d'être seuls, ce qui n'est pas une motivation. La motivation devrait être d'avoir des enfants pour suivre la vibration de l'esprit. Puis si les gens n'ont pas la vibration, ben ils n'en aient pas. Puis chaque chose en son temps aussi, dans le sens que moi, je vais me libérer de l'astral il y a quelques années. Parce que je n'étais pas prêt à avoir des enfants, je n'étais pas assez mature psychiquement. Là, mon ego est un peu plus ajusté aujourd'hui, à 41 ans, qu'il pouvait l'être à 20 ans. Puis j'avais aussi réglé ma situation au niveau psychologique par rapport à des traumatismes du passé. J'ai été victime de violences physiques et psychologiques de mon père en bas âge. Et ça a été très très dur pour moi. Ça m'a amené à souffrir émotivement. Ça m'a amené dans une démarche de thérapie qui s'est échelonnée sur près de 20 ans, d'autothérapie aussi, de connaître des ajustements vibratoires. Ma mère a beaucoup souffert aussi de la situation, de sa relation avec son ancien conjoint. J'ai été témoin de ça. Elle a eu à connaître des ajustements vibratoires. Donc, tu sais, j'étais quelqu'un qui partait pas avec une belle situation propice à son épanouissement, dans le sens que j'avais une faible estime de soi il y a plusieurs années, tendance à me dévaloriser, ainsi de suite. J'étais très gêné. J'ai eu à débloquer la parole aussi. Il y a des gens qui écoutent mes enregistrements, puis ils pensent, si vous pensez que j'ai eu le temps de la facilité à parler, oublie ça. J'étais un enfant plutôt replié sur moi-même. C'est sûr qu'il a fallu que je débouche la capacité de parole, la capacité de m'affirmer, et ainsi de suite. Là. Ça s'est fait au fil des ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aisance pour parler que j'en avais là, il y a 20 ans. Là, ouais. Donc, je me sens plus prêt en termes de développement, à la fois psychologique et psychique, en tant qu'ego, à avoir des enfants aujourd'hui, puis c'est sûr que la façon que je vois les choses, ben c'est lorsque la personne a la maturité puis la mise en vibration que le moment est plus adéquat pour aller de l'avant avec de tels projets. C'est sûr que je verrai bien qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais dans le fond, aller au-delà de la peur, c'est de s'engager dans des actions qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Comme je le disais tantôt, pour moi, le projet le plus significatif dans une vie, c'est d'avoir des enfants. Quelqu'un qui achète une maison avec une compagne, c'est un projet qui peut se l'échelonner sur 25 ans, venant que le couple prenne une hypothèque ensemble. Donc, c'est de l'engagement qui est quand même important. Mais dans le pire des cas, si les gens sont pas satisfaits de la maison, ben ils peuvent la vendre. Tandis qu'un enfant, ben tu le vends pas. Normalement, tu le vends pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui font la traite des esclaves ou la traite des enfants qui vont en vendre, mais ils sont pas supposés. Mais normalement, avoir un enfant, une fois qu'il est au monde, ben tu peux pas le retourner. C'est pas comme un objet que tu as acheté au magasin que tu peux retourner, ou un véhicule automobile, il y a une défaillance, tu te retournes sur le concessionnaire s'il y a un problème important. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un projet de vie qui est très impliquant. Et ce qui me créait du stress, c'est sûr, c'était dans le fond de m'engager ou non dans le projet, parce que pour moi, c'est irréversible. C'est-à-dire que lorsque l'enfant sera, s'il naît, c'est toujours conditionnel, parce qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Donc, autrement dit, c'est pas parce que ça va bien pour les 3 premiers mois de la grossesse que nécessairement on sait pas comment ça va aller dans les autres mois. Faut rien prendre pour acquis. Comme ça, on vit pas de déception. Parce que je suis en contact avec une femme qui a fait au moins 4 ou 5 fausses couches sur 10 ans, là. Donc, elle en a fait plein, là. Puis elle est toujours dans le projet d'avoir des enfants. Puis elle est confrontée à beaucoup d'adversités. Et ce que j'observe, c'est que derrière ça, c'est qu'il s'opère chez elle un processus de déspiritualisation. Donc, est en train de changer, là. Elle me racontait récemment qu'elle s'est mise en colère. Ça revenait à être mise en colère contre Dieu. Par rapport au fait que là, elle a fait des démarches en lien avec la fertilité, puis ça n'a pas marché. Elle s'est fâchée. Donc, ça amène des changements vibratoires chez elle. Donc, il y a des gens qui vont se déspiritualiser parce qu'à plusieurs reprises, ils n'ont pas d'enfants. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Quelqu'un qui vit un accident d'automobile significatif. Moi, dans mon cas, la déspiritualisation s'est faite par des déceptions à l'égard de certaines pratiques spirituelles auxquelles je donnais de l'importance dans mon passé. Ensuite, j'ai vécu beaucoup de positions dans ma vie là, par rapport à des personnes... notamment par rapport à mon père quand que j'étais jeune. Mais c'est quoi que je voulais dire par rapport à tout ça? C'est que l'esprit va chercher à nous travailler à travers les événements ou les projets de vie qu'on peut avoir. C'est sûr que quand on regarde les choses au niveau de l'esprit, la finalité n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on pense. Parce que là, la personne, ça fait plusieurs fois, là... qu'elle essaie d'avoir des enfants, ça fonctionne pas. Puis moi, de mon côté, après à peu près 2 mois, ma compagne tombe enceinte, puis tout semble pour l'instant se dérouler comme sur des roulettes, là. Fait que c'est sûr que je m'en vante pas trop auprès d'elle, là, mais autrement dit, je l'ai facile à comparer d'elle. Tandis qu'elle, c'est de l'ordre du parcours du combattant. Puis elle était rendue à l'étape où... On est rendu loin au niveau technologique. C'est sûr que d'étudier la génétique, je trouve ça intéressant. Parce qu'on est rendu au stade où une personne peut acheter des ovules sur Internet d'une personne, puis se les faire féconder in vitro, comme dans son cas, elle a acheté des ovules. Ben, je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est pas drôle, là, dans le sens que c'est spécial, là. Donc, je ris, mais c'est pas drôle, là. Mais bon, je trouve ça particulier, là. On est rendu à un stade où ce que on peut aller voir le profil d'une mère potentielle. Ce qu'elle me racontait, c'est que c'était comme un CV. Qu'est-ce que la mère, qu'est-ce que la femme qui vend ses ovules va aimer, si elle est sportive ou non. Par la suite, c'est quoi ses intérêts, son niveau d'éducation, ses antécédents génétiques par rapport à sa famille, et ainsi de suite. Là, il y a des ovules qui peuvent être mis en vente sur Internet. Il y en a que ça peut être 10 000 $, 20 000. Les prix varient. Puis il y en a de différents pays. Il y a des gens aux États-Unis qui vont en vendre dans des pays asiatiques, etc. Il y a tout un marché international par rapport à ça. Puis elle a fait du magasinage pour acheter des ovules. Puis là, dans le fond, ce qui me fait rire, c'est que c'est un petit peu comme un magasinage pour trouver un conjoint sur un site de rencontre. Là, on peut regarder différents profils. Et là, on peut dire... Ah, ouais, ce profil-là, il me plaît. L'autre, non. Ça me plaît pas, là. Puis, y a un magasinage qui peut se faire par rapport à ça. On est rendu à une époque où façon de parler, là, le développement scientifique permet ça. Et là, elle avait acheté... parce qu'elle a essayé plusieurs étapes avec son conjoint. Bon, de manière naturelle, elle a été suivie par une clinique de fertilité. Ensuite, insémination. Insémination artificielle à plusieurs reprises. Puis, bon, là, elle était rendue à l'étape... parce que là, c'était de voir est-ce que ces ovules étaient viables ou non. Advenant que c'était pas le cas, bon, ben c'était d'acheter des ovules sur le web. par rapport à une mère, c'est pas une mère porteuse, mais c'est une personne qui vend ses ovules. Puis là, on en avait acheté un lot de 6. Et par la suite, elle les a fait féconder par le sperme de son compagnon. Et là, parmi les différents ovules, il y en avait là qu'il y avait la réaction qui se produisait, là, c'est-à-dire l'ovule qui est fécondé, là, qui est en train de former un fœtus. Et là, elle s'est fait implanter un ovule fécondé. Donc, l'ovule appartient à une autre femme par le sperme de son compagnon à l'intérieur d'elle-même, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est sûr, c'est des dépenses importantes. Ça a coûté environ 20 000 $ là, tout ça. Là. Et puis, c'est ça, ça a créé des déceptions. Puis là, elle monte en intensité. Puis au fil des ans, ben, je l'observe changer d'une personne qui était très douce. Puis là, elle est en train de se transformer en lien à son rapport avec l'événement. Mais quand je regarde les choses avec les yeux de l'esprit, l'objectif de l'esprit, c'est que la personne soit capable de devenir un meilleur contenant, une capacité d'absorption d'une charge énergétique qui est importante, un peu comme une batterie qui peut compter une plus grande quantité d'énergie au fil du temps. Donc, que l'être humain devienne un plus grand réceptacle énergétique pour qu'il soit capable de compter la descente de l'énergie de l'esprit qui est très intense. Donc, les gens vont être travaillés par rapport à ça. Et la personne peut être mise en vibration pour aller de l'avant avec un projet donné, mais derrière ça, au niveau occulte, le grand projet de l'esprit, c'est pas nécessairement que la personne ait un enfant. Le grand projet de l'esprit, c'est que la personne change sur le plan vibratoire, qu'elle évolue, qu'elle soit capable de contenir davantage de l'énergie adverse comme la sienne. Parce que l'énergie éthérique, lorsqu'elle entre de l'ego, c'est de subir une forme d'adversité. Ça crée des chocs énergétiques. Au fil du temps, la désastralisation que je subis, malgré moi, m'amène à changer de comportement. Donc, il y a des gens qui m'écoutent, qui écoutent mes capsules audio depuis plusieurs années. Vous allez constater qu'au moment où je fais celle-ci en juin 2022, eh bien, je vis moins une forme de spiritualité qu'il y a à peine quelques mois, où je faisais des enregistrements là, de méditation guidée ou de visualisation créatrice ou même de sessions de bénédiction. Donc, ma couleur, quand que je m'observe, c'est sûr que vous serez en mesure d'évaluer par vous-même, ne croyez-moi pas, mais moi, je me trouve moins spirituel que je pouvais l'être. C'est sûr que j'ai peut-être encore des angles morts en lien avec une forme de spiritualité, que peut-être que des gens vont détecter dans ma parole, mais que je ne vois pas. Mais le point, puisque je suis de plus en plus conscient qu'au fil du temps, c'est que l'objectif de mon esprit, puis c'est le cas de tous les esprits qui sont derrière les individus qui tirent les ficelles dans l'occulte, c'est d'amener les gens à changer de taux vibratoire. Donc, quand je regarde la situation de la personne, que ça fait près de 10 ans qu'elle essaie d'avoir un enfant, puis ça ne fonctionne pas, ben si je pose la question à mon esprit, à quoi ça sert tout ça? Ça me répond, ça sert à changer son taux vibratoire. Donc, et à ce niveau-là, c'est sûr que sur le plan humain, la personne vit beaucoup de souffrance par rapport à ça, là, on s'entend, là, un peu comme quelqu'un qui subit quelque chose qu'il n'a pas voulu, comme un accident d'automobile, où la personne est entourée de personnes qui tombent toutes enceintes, puis elle, ça fonctionne pas, puis elle me racontait que, dans le fond, étant en contact avec un couple, puis ils ont eu des jumeaux, alors qu'elle, ça fonctionne, tu sais, la personne, si elle se compare aux autres, elle va souffrir. Fait que là, ça l'amène à sortir d'une zone de comparaison puis avoir une conscience plus individuée. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui arrive, c'est que les événements adverses nous amènent à faire des acquis de conscience qu'on ferait pas autrement. Donc, le fait, dans mon cas, par exemple, que j'ai subi de la violence physique et psychologique alors que j'étais jeune, m'a amené à être très sensible pour des questions de respect. Peut-être un peu plus que d'autres personnes. Être un peu plus sur mes gardes. Probablement qu'en lien avec ça, je suis devenu très méfiant par rapport aux gens. Puis ma méfiance aussi s'est traduite une forme de méfiance par rapport au plan, que ce soit le plan astral ou le plan éthérique. D'être plus précautionné ou prudent, dans le sens que naïf. Bien qu'il y a peut-être des gens qui me regardent avec un recul critique vont dire « Ouais, t'as encore de la naïveté par rapport à ça. » Ben, ça dépend. C'est-à-dire que par rapport à la question que si on suit une vibration, que l'enfant va être supporté vibratoirement par l'esprit, puis que tout va aller bien, puis tout va être facile, c'est sûr qu'en tant qu'ego, j'aimerais ça, mais je suis quand même assez lucide pour réaliser que l'enfant aura la programmation qu'il aura à vivre compte tenu de la nature de son esprit et de l'agenda évolutif qui se rapporte à lui. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ego, je peux vouloir le meilleur, mais ça ne veut pas dire que ça va s'actualiser pour l'enfant. Donc, arrivera ce qui arrivera. Moi, ma responsabilité par rapport à tout ça, c'est d'agir avec intelligence puis suivre la vibration lorsqu'elle est là, tout simplement. Et si l'esprit de l'enfant à naître crée des oppositions par rapport à lui, éventuellement lorsqu'il sera né, ben là, il y aura toujours la question de la responsabilité occulte derrière son vécu expérientiel qui peut être abordé. Mais là, la responsabilité occulte, j'ai fait un enregistrement récemment là, par rapport à ça là, sur YouTube. Si vous voulez savoir à quoi que je fais référence, j'en ai parlé abondamment là, par rapport à ça. Mais je vais conclure l'enregistrement présent, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je parle, en vous mentionnant à quelque part, agir en fonction de la vibration, c'est l'élo de la peur. C'est sûr que les gens vont dire, ben là, c'est un principe qui est très simple, il y a plein de monde qui ont parlé de ça, mais c'est pas évident à intégrer et d'agir en conséquence. Et puis même quand on agit en conséquence, ben on peut être pris avec des jeux de réflexion. Dans le sens qu'une fois que ma compagne est enceinte, puis on a agi de l'avant pour, dans le fond, qu'elle puisse tomber enceinte, ben l'autre étape, ben c'est qu'une fois qu'elle est enceinte, c'est l'insécurité psychologique qu'on peut avoir par rapport au devenir de l'enfant auquel on est exposé. Puis une fois que l'enfant va coucher, on peut être encore exposé à des formes pensées qui peuvent nous amener à vivre de l'insécurité. Puis si on n'aurait pas été de l'avant avec l'enfant, ben on peut vivre une forme d'insécurité, à savoir est-ce qu'on passe à côté de quelque chose d'important dans notre vie, puis de se sentir pas bien. En fait, on peut se sentir pas bien avec n'importe quoi. Tu sais, que la personne ait un enfant ou qu'elle n'ait pas d'enfant, elle peut souffrir dans sa réflexion. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai parlé avec une dame qui était au début de la soixantaine, puis elle regrettait de ne pas avoir eu d'enfant. Donc, j'y ai parlé il y a plusieurs semaines. Et elle regrettait de ne pas avoir été de l'avant avec le projet, puis elle me disait, ben, il me semble que ça me manque. Donc elle me parlait de ça, puis que, tu sais, elle voyait les années qui passent, et ainsi de suite, puis ça l'amenait à vivre une forme de solitude. Et ça, c'est son expérience à elle. Et c'est elle qu'elle a à voir si elle avait à aller de l'avant ou non avec le projet, mais une fois que le passé est passé, comme on dit, ça ne sert à rien d'y réfléchir. Donc, elle a juste à se concentrer. Ben, facile à dire, hein, de dire, tu as juste à te concentrer sur le moment présent parce que tu ne peux pas changer le passé. Mais en réalité, chaque personne vit en fonction de programmation, puis une fois que la fenêtre, entre guillemets, d'opportunité pour aller de l'avant ou non avec un projet est faite, la personne a à contenir qu'est-ce qui a été fait ou non, puis c'est tout. Parce qu'on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas revenir dans le temps, là. Donc, c'est ainsi. Donc, nous autres, on a été de l'avant avec ce projet-là. Il y en a d'autres qui ne vont pas de l'avant avec un tel projet, puis c'est correct. L'important, c'est de se respecter. C'est ça qui est fondamental, à mon avis. Bon, là, c'est vrai, je vais conclure cette capsule audio. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.